Section 10 de Contes, Anecdotes et Récits canadiens par Aristide Filiatreau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La route du pays fin. La paroisse de Sainte-Thérèse, qui a eu l'honneur de me donner le jour, est sandwichée entre les beignets de Sainte-Rose et les habitants du pays fin, c'est-à-dire ceux de Saint-Janvier. En partant de Sainte-Thérèse, le voyageur malchanceux qui se dirige vers ce village se rend par la côte Saint-Louis jusqu'à une montée de plusieurs milles de longueur où il ne pousse que des bluets, de la fougère et du sable. À droite, le chemin de Saint-Lin. Un vendeur de machines à coudre, bien connu dans tout le pays, s'était rendu à Saint-Lin dans les intérêts de son commerce. Et il revenait de son voyage en voiture pour opérer une descente chez les habitants du pays fin. Rendu à une certaine distance de Saint-Lin, il se trouva en présence d'un carrefour aux quatre fourches de chemin, comme on dit dans le pays. Il ne savait de quel côté se diriger lorsqu'il visa un jeune homme qui coupait les rondins dans la cour d'une maison de ferme. Notre voyageur descendit de sa voiture et s'approcha du jeune garçon, il lui demanda « Dis donc, jeune homme, peux-tu me dire où je suis ?»« Oui, monsieur, vous êtes sur le tas des copeaux. » « Idiot !» Il remonta dans sa voiture et prit au hasard, au petit bonheur, l'une des quatre fourches du chemin. Quelques arpents plus loin, il vit un vieillard, grave comme un notaire de campagne, perché sur une pagée de clôture et fort occupé à se fabriquer un sifflet avec une branche de bois blanc qu'il gossait consciencieusement avec son couteau de poche. « Hey, le père, voulez-vous me dire où je me trouve à l'heure qui est ?»« Ben, je vais vous le dire, monsieur. Je me suis donné à rendre à mon garçon la semaine dernière et depuis ce temps-là, je m'occupe plus de rien en tout. »« Cré, vieille bête !» Vous pourriez toujours bien me dire où ce chemin-là va? Ben, je vais vous dire, monsieur, j'ai 78 ans et j'ai pas honte de le dire. J'ai toujours resté par ici. Ce chemin-là a jamais voyagé. Je l'ai toujours vu à la même place. Il n'a jamais été nulle part. Votre fille, monsieur Desrosiers, comment est-elle de sa personne? « Ben, monsieur, ma fille est belle, puis elle est jolie aussi. » Fin de la section 10, lue par Sandra, près de Montréal, 2026.